Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, le micro ouvert, est à ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Voilà, envie de vous faire partager un mini bouquin qui s'appelle Cet autre, quoi, l'autre, avec un grand A. Et donc l'auteur qui s'appelle Rissar Kapuscinski, je vous invite pour l'orthographe à aller sur microouvert.be. Et ce monsieur est né en Pologne en 1932. Rissar Kapuscinski manifeste précocement une certaine méfiance à l'égard de l'histoire officielle. Je trouve que quand vous ouvrez le bouquin et vous avez ça en préambule, ben, c'est rassurant, je trouve. À défaut de pouvoir suivre des études de philosophie, enseignement retiré des programmes à l'université de Varsovie, il se tournera vers l'histoire. Reporter, correspondant pour l'agence de presse polonaise jusqu'en 1981, il parcourt le monde depuis l'Asie jusqu'en Amérique latine, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient, couvrant des dizaines de guerres et autant de révolution tiers-mondiste. Alors je vous lis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment un minuscule livre, quoi. Enfin, voilà, moi ça me donne envie de lire d'autres bouquins de lui, parce que magnifique. Voilà, je partage. Quand on est arraché à sa culture, on en paye le prix fort. C'est pourquoi il est si important de posséder une identité propre et définie, ainsi que la ferme conviction de la force, de la valeur et de la maturité de cette identité. À cette condition seulement, l'homme peut affronter une autre culture avec sérénité. Avec sérénité. Dans le cas contraire, il aura tendance à rester dans sa cachette, à s'isoler craintivement du monde qui l'entoure, d'autant que l'autre, alors il écrit souvent l'autre avec un A majuscule, là je vous... Vous avez compris que c'est moi qui parle, qui vous explique, parce que vous ne voyez pas en radio. Et donc, il met l'autre en majuscule. Je trouve ça très joli, comme si l'autre était un nom, voilà, un nom propre, quoi, un nom. Et donc, dans le cas contraire, il aura tendance à rester dans sa cachette, à s'isoler craintivement du monde qui l'entoure, d'autant que l'autre est le miroir dans lequel il se regarde et il est regardé, le reflet qui démasque et met à nu. Or, l'homme n'aime guère être dévoilé. Et puis je vous lis aussi encore un autre petit passage. À la dernière page. Heureusement, c'est pas une intrigue, hein, donc... Qui sera ce nouvel autre ? Comment se passera notre rencontre ? Que nous dirons-nous ? Dans quelle langue ? Saurons-nous être à l'écoute l'un de l'autre ? Saurons-nous nous comprendre l'un l'autre ? Saurons-nous ensemble faire appel à ce qui, selon Joseph Conrad, sollicite notre potentiel de joie et d'admiration, notre sensibilité au mystère qui nous entoure, notre sens de la compassion, de la beauté et de la douleur, le sentiment mystérieux qui nous lie au monde entier et la subtile mais inébranlable foi dans la solidarité qui unit la solitude des cœurs, deux cœurs innombrables, dans les rêves, les joies, les peines, les aspirations, les illusions, l'espoir et la peur, qui rapproche tout homme de son prochain, qui rassemble l'humanité entière, les morts et les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. Ben voilà, moi j'avais envie de faire un micro ouvert avec toi à partir du moment où t'as raconté que t'étais parti 3 années vivre en Amérique du Sud, mais où exactement ? Alors 3 années, alors le voyage a duré 3 ans et demi, et c'était, alors effectivement c'était de la vie, Je suis parti, ça fait partie de ma vie. Mais en soi, j'ai pas vécu à un endroit, donc j'ai beaucoup bougé. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au Brésil. C'est là que je suis arrivé. J'ai passé en tout, au total, un peu plus d'un an au Brésil. J'ai passé 7 mois en Équateur. Et j'ai passé presque 8 mois au Mexique. Donc dans plein d'autres pays, j'ai passé un peu moins de temps, comme 3 mois en Argentine, 3 mois en Bolivie, presque 2 mois en Colombie. Et puis voilà, passé 2 semaines à Cuba. Mais je fais tout un grand trajet, et je dirais allez, une grande partie de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et alors Cuba, dans les Caraïbes. Voilà. J'ai bien compris, hein, sur ces 3 ans et demi, c'est tout ça que tu as fait. Oui, c'est ça. Donc j'ai quitté la Belgique le 3 novembre 2010 et j'ai quitté Cancun, et là en avion, Cancun. Cancun au Mexique, le fin mars, je ne sais même plus la date, le 22 mars peut-être, 21 mars, 22 mars 2014 ici. Donc 3 ans et demi. Et alors par contre là je suis revenu en avion. Mais j'étais parti en bateau. Et justement, genre, je voulais pas prendre d'avion. Et c'est le seul avion que j'ai pris, c'est pour rentrer. Donc c'était un genre de compromis pour être là à un certain moment ici, pas encore prolonger le voyage de 3 mois. Puisque revenir en bateau stop, c'était 3 mois en plus de voyage. Et pourquoi tu voulais pas prendre l'avion pour partir? Parce qu'en fait, le voyage, c'était l'idée du voyage. Enfin, l'idée pour moi d'un voyage, c'est de vivre tout le voyage et pas d'aller d'un point A à un point B le plus vite qu'on peut. Parce que finalement, un avion, c'est ça. Et donc, le fait que ce qui compte, c'est le chemin et pas le fait d'arriver à un endroit, à un autre endroit, c'est tout le chemin. Et je pense que l'avion, je crois que l'avion ne permet pas ça, tout simplement. Et donc le fait de partir en stop, en bateau stop, avec des voitures, avec, enfin voilà, la base de mon voyage, ça a vraiment été en stop. Ben c'est tout à fait autre chose. Et voilà, pour moi, c'est ma philosophie du voyage, c'est le chemin qui compte. Ok, alors Sébastien, tu es ici en Belgique, tu fais des études. Qu'est-ce qu'il y avait avant ton voyage? Je fais des études? Je fais pas d'études, hein. Tu as fait des études? Ah oui. Donc oui, je suis en Belgique. Je parle avant de ton voyage, hein. Essaye de te remettre avant ton Ok. voyage. Donc, t'en étais où dans ta vie à ce moment-là? Dans ma vie, alors, ben, je suis arrivé en fait à un moment où je pense que j'étais relativement content. J'étais bien. J'étais heureux en Belgique. Je suis pas parti parce que j'étais. Tu vois, je suis pas parti parce que j'étais triste, j'étais malheureux, j'avais un truc sentimental. Ah, non, je peux pas. Non, non, j'étais bien. Et c'est vraiment un choix de réaliser un rêve que j'avais. Donc un rêve de faire un grand voyage. Et qu'est-ce que j'ai fait avant ça? Eh bien, je dirais que j'ai été assez classique jusqu'à. Enfin voilà, j'ai terminé les rénovés à 18 ans, j'ai commencé des études. Bon là, j'ai fait études d'ingénieur civil à Louvain-la-Neuve, à l'UCL. Donc ça m'a pris 5 ans. Peut-être une chose un peu moins classique et encore. Enfin, c'était un peu moins classique peut-être à l'époque. Maintenant, il y a 10 ans après, quasiment, il y a beaucoup de gens qui partent en Erasmus. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait moins de gens qui partaient quand même en Erasmus. Et là, j'ai fait un an d'Erasmus aux Pays-Bas. Et je me souviens, quand j'ai fait un an d'Erasmus aux Pays-Bas, ça m'a déjà pas mal ouvert. J'ai vu tout à fait une autre réalité, même si c'est que les Pays-Bas, c'est pas du tout la Belgique. Et je crois que ça m'a déjà connecté aussi à beaucoup de gens étrangers. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'ai continué à côtoyer beaucoup d'étrangers aussi à Louvain-la-Neuve quand je suis revenu. Et j'avais tout un a priori assez négatif par rapport au monde de l'entreprise, le monde du travail. Et je savais pas trop quoi faire en ayant terminé mes études. Et là, voilà, j'avais besoin de trouver un boulot et l'université cherchait quelqu'un pour un projet de recherche. Et donc je suis rentré à l'université pour faire un projet de recherche. Je me suis rendu compte que c'était de la robotique médicale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'intéressait pas du tout, dans le sens où j'étais même pas d'accord avec l'objectif, qui était tout simplement de diminuer la main d'œuvre et faire un robot qui allait prendre le travail de quelqu'un, même si ça portait le nom très sexy de robotique médicale. Et donc, je me sentais pas du tout en cohérence. Je trouvais que ça servait à rien ce que je faisais. Et à ce moment-là, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé en fait des ONG. Enfin, j'étais plutôt allé me diriger vers le monde des ONG. Et un concert de musique africaine qui a la nuit africaine là, à Otigny, au Bois des Rêves, Otigny, Louvain-la-Neuve, toujours vers la fin du mois de juin. À l'époque, c'était gratuit, maintenant ils font payer. Hein, mais c'était gratuit à l'époque. Et là, il y avait toutes des ONG qui étaient présentes. Et c'est là que j'ai rencontré une ONG qui s'appelle le Louvain Coopération et Développement. Et j'ai commencé à nouer des liens parce qu'il y avait un professeur de l'UCL, qui était donc un collègue en ingénieur, qui était là, à ce moment-là le président du conseil d'administration de l'ONG. Et avec lui, on a commencé à travailler. Et bon, je vais passer par raconter toute l'histoire, mais bon, à un moment, je me suis retrouvé à faire une mission en Afrique, au Bénin et au Togo, entre cette ONG et l'UCL. Et moi, cette mission a été vraiment déterminante puisque je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et tu t'es rendu compte de quoi, dis donc? En gros, que je ne savais pas du tout le monde dans lequel je vivais. L'image qu'on a, je pense, du sud, quand on est au nord, en Belgique, c'est « Ah oui, c'est vrai, il y a eu la colonisation. » Enfin, c'est ce qu'on enseigne à l'école. Hein. Il y a eu la colonisation, on a fait des choses pas bien. Mais aujourd'hui, il y a la coopération, le développement, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est des gentils. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sortent pas, ces pauvres petits malheureux, hein? C'est un peu l'image qui est véhiculée et qui est passée. Et puis là, quand j'ai voir ce que j'ai vu, plus lire des bouquins, notamment « De la France-Afrique à la mafie-Afrique », écrit par François-Xavier Verscave, qui est un tout petit bouquin, mais vraiment percutant. C'est une conférence qui était en fait donnée à des éducateurs en France, à Paris. Je crois que c'était à Paris. Et c'est la retranscription d'une conférence. Et ben moi, quand j'ai lu ce petit bouquin-là, c'était un déclic, quoi. C'était « Waouh !» Non, c'est trop gros, c'est trop fort. Et donc là, vraiment, je me suis dit, non, il y a un souci majeur, quoi. C'est du mensonge pur. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, et à mon retour, j'ai beaucoup cherché. Voilà, j'ai cherché. Et j'ai arrêté mon travail, et j'ai commencé à apprendre des choses que je n'avais jamais apprises, comme de la sociologie, de la politique, de l'économie. Voilà, je commençais à m'intéresser à plein de trucs. Et alors, comme j'avais besoin d'argent et que j'avais déjà mon projet de faire un grand voyage, j'ai recommencé à travailler comme chercheur, mais tout à fait dans une autre optique, avec mon projet déjà bien précis de partir en voyage. Et donc, voilà, j'ai préparé mon voyage et puis je suis parti pendant 3 ans et demi. Et quand tu dis j'ai cherché, t'as trouvé, enfin, Mais je pense que quand on s'est jamais intéressé à, je sais pas, à tout ça, quoi, quand on est toujours resté un peu dans les rails, c'est énorme en fait ce qu'on découvre. De quoi tu parles en fait? Mais des autres façons de penser, tu vois. Oui, des gens qui pensent autrement, qui font autrement. Moi, toute la critique, par exemple, du capitalisme, j'avais jamais vu, quoi. Donc, tout ce qui est... on ne lit pas Marx à l'école ou des choses comme ça, quoi. Enfin, faut pas déconner, quoi. C'est pas des bouquins qui sont au programme. Donc, quand moi, j'ai vu vraiment des critiques de la société moderne, notamment Ivan Illich. Donc, moi, quand je suis tombé sur Ivan Illich, moi, ça a été « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est un penseur fondamental qui n'est pas lu, qui n'est pas mis au programme. Au niveau de l'éducation, moi j'étais à des colloques de pédagogie, enfin des colloques d'éducation, des colloques sur les migrations aussi. Donc à Louvain-la-Neuve, il y avait un colloque sur les migrations. Moi j'ai appris énormément à ce colloque. Et j'ai découvert aussi toute une autre façon de penser, puisque en ingénieur, les gens sont très fermés, sont très rationnels et sont fermés à tout ce qui est sciences sociales. Donc moi, j'avais un besoin mais énorme, en fait, de me nourrir de ces choses-là. Et donc, c'est un peu ça, quand je te dis, j'ai cherché, j'ai regardé des documentaires sur Internet, j'ai lu des bouquins, j'étais à des conférences, enfin, j'ai pas arrêté. En fait, quand j'ai arrêté de travailler, c'est là que j'ai le plus appris. Et donc, c'est certainement pas en étudiant et ni en travaillant. C'est vraiment quand j'ai eu l'occasion d'être libre de tout ça. En fait, j'ai eu mon temps libre, j'ai pu gérer comme je voulais mon temps. J'ai été. Et Louvain-la-Neuve, à ce niveau-là, est génial parce que c'est une ville où il y a toutes les facultés tout près. On peut aller à pied partout. Et donc, j'ai pu vraiment. Enfin, c'était un genre de soif de connaissances, de comprendre. Et alors, quelque chose qui m'a beaucoup. En plus de ratisser très très large et de m'ouvrir à beaucoup de disciplines, beaucoup de choses, j'ai eu un genre de cadre qui est venu faire du lien. Et c'est ce qui s'appelle l'approche systémique et que j'ai découvert par le jeu de la ficelle. Et donc, pour moi, un moment vraiment fondamental, c'est la découverte du jeu de la ficelle. Et moi, ça a été. Ah, mais c'est ça qui me permet de faire le lien. Et c'est pour ça que quand je travaille avec des ingénieurs à Louvain-la-Neuve, j'encadre des mémoires d'étudiants. J'avais déjà commencé pendant mon voyage et je continue. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ces étudiants? Je veux les initier à l'approche systémique. Donc je veux les ouvrir à d'autres disciplines et leur donner un cadre qui permette de faire le lien, qui est l'approche systémique. C'est pour ça qu'en fait que je travaille avec eux. Parce que pour moi, c'est essentiel de découvrir un cadre, quelque chose qui fait du lien, qui permet de faire les liens entre tout. Et parce que moi, ça m'avait manqué énormément, tout simplement. Et je trouve que c'est indispensable de faire du lien et de comprendre, mais c'est quoi, dans quel type de monde on vit, c'est quoi la société ici, et arrêter de penser que c'est la fin du monde. Enfin, quel monde déjà? Enfin, ce monde-là tel qu'on nous le montre, j'en veux pas, quoi. Et donc, voilà. Mais ça donne l'impression comme si tu n'avais pas choisi ta bonne option de départ, non? Comme si tu avais un moment donné, tu es ingénieur civil et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et tu découvres d'autres études. Enfin, tu fais pas d'autres études, hein, mais tu découvres la sociologie, la politique, bon, la politique, j'aime pas dire politique, le vivre ensemble, l'économie. T'as pas cette impression-là de t'être un peu trompé d'études? Peut-être, oui, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce qui manque beaucoup, enfin, peu importe. J'ai l'impression, on a tous un parcours pour l'une ou l'autre raison. Et ben moi, il se trouve que j'ai eu ce parcours de, j'aimais bien beaucoup de choses. Et je pense que mes parents ont pas mal orienté aussi ce parcours. Et je suis arrivé, j'aimais bien finalement ce que je faisais en ingénieur civil. Moi, j'aime bien les sciences, j'aime bien la physique, j'aime bien les maths. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a intéressé vraiment dans mes études et même dans mon travail. Ça m'a intéressé vraiment dans mon travail. Mais voilà, il manque quelque chose pour moi de fondamental qui est, mais ça sert à quoi ce que je fais? Et ça, effectivement, c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est pas de la technique. C'est justement un certain sens de politique, un certain sens de mais à quel type de projet de société moi je suis en train de participer par mon action, qui peut être comme ingénieur, qui peut être comme artiste, qui peut être comme n'importe quoi, ça sert à quoi ce que je fais? Et ça, je pense que pour moi, c'est un truc vraiment fondamental et peut-être encore que c'est encore peut-être plus criant, ce manque-là, effectivement, du fait d'être dans des branches très scientifiques, très rationnelles, très carrées, comme ça, et qui ont exclu, en fait, toute cette dimension-là. Et donc, c'est un drame, enfin, pour moi, c'est un drame que les sciences, qui s'appellent exactes, mais rejettent tout ce qui est sciences sociales. Pour moi, c'est un truc, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Et c'est là-dedans qu'on est, et c'est de pire en pire, j'ai l'impression, à ce point de vue-là. Et donc, est-ce que je me suis trompé d'études? Oui, peut-être, mais tant mieux. Tant mieux, peut-être, parce que ça me permet de voir ça aussi, peut-être, parce que j'ai cette sensibilité-là. Mais quand je dis que tu t'es trompé d'études, moi je pense personnellement que normalement on devrait toucher à tout, hein. Quoi qu'on fasse comme études, mais comme on est dans une société où on tout est, comment on dit, tu suis une filière et donc tu as comme des ornières sur ce qui se passe à côté. Tu disais au début, faire du lien, l'approche systémique, évidemment, ça c'est, tout est connecté à tout en fait, en gros, hein. Mais donc voilà, tu décides de partir en Amérique du Sud, mais t'es de bonne humeur, quoi. T'es pas dépité. Et qu'est-ce que tu te dis en fait? Pourquoi ce voyage? C'était quoi ton rêve? Pourquoi en fait? Pourquoi tu pars? Mais j'ai découvert quand même, allez, les deux, je sais pas très bien évaluer, mais au moins les 3 dernières années avant de partir, oui, c'est ça. À mon avis, les 2 ou 3 dernières années, années avant que je parte, j'ai découvert finalement la société civile, que je connaissais pas du tout, en Belgique, et toute une série de mouvements, des gens qui s'engagent. Qui veulent changer le monde, qui voilà, qui veulent faire bouger les choses, quoi, qui ont aussi une certaine lecture de la réalité, une lecture politique, des valeurs, qui c'est le plus cohérent possible avec ces valeurs. Donc j'ai aussi été proche du monde du théâtre action, tout ce qui est le mouvement du théâtre action. Je me suis formé là-dedans avant de partir. Et donc tout ça pour moi voilà, me rendait assez positif de rencontrer tous ces gens. Mais c'est vrai que j'avais un rêve de partir en voyage. Et puis ce rêve, c'est, comment je vais dire, c'est l'aspect Amérique latine. Ben, à un moment, j'ai commencé à faire de la salsa. Et puis j'ai appris l'espagnol aussi quand j'étais aux Pays-Bas. Donc toute une série de choses qui m'ont tourné vers l'Amérique latine. Et alors, en plus de ça, dans les mouvements sociaux, les mouvements en Belgique, il y avait comme quelque chose qui se disait, une impression, un genre de, voilà, une image, un mythe qui était là, qui était qu'il y a quelque chose qui se passe pour l'instant en Amérique latine. C'est pas vrai? C'était pas vrai? Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. En tout cas, quand on regarde ça avec des yeux d'Européens, bah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et moi, j'ai aussi vu énormément de choses qui se passent. Donc oui, c'est vrai. Et voilà, tout ça, je veux dire, a motivé mon voyage là-bas. J'ai rencontré tout plein de gens qui agissent, des collectifs en Belgique, en Europe, qui me plaisent. Mais j'ai envie d'aller rencontrer les mêmes collectifs, les mêmes. Enfin voilà, envie d'aller rencontrer de l'autre côté et faire des ponts entre les deux. Donc ça, c'était vraiment mon objectif. Et j'étais parti pour 1 an et demi, 2 ans. Bon, finalement, j'ai doublé un peu. Je suis parti 3 ans et demi. Mais voilà, c'est ça vraiment qui a motivé voilà, la volonté de réaliser un rêve. Et puis les choses se sont mises en place. Après, à un moment, voilà, à un moment, il faut y aller, quoi. Ok, et qu'est-ce que raconte quoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage? Comment ça se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en gros, je crois qu'il y a un truc que je ne voulais pas, c'était tout organiser. Alors je voulais justement, à mon avis, ça doit être aussi le fait de mes études, etc., de tout vouloir planifier, je voulais laisser vraiment venir les choses. Et donc, le fait déjà de faire du stop, donc déjà on planifie rien du tout au niveau des transports, le fait d'avoir des idées, d'avoir des contacts, mais de ne pas avoir de route, de chemin préétabli. Donc j'avais deux, plus ou moins deux choses certaines. C'était que je voulais rencontrer le mouvement des paysans sans terre au Brésil et les apatistes au Chiapas au Mexique. Ça, je vais dire, c'était éventuellement, ce serait pas assez chouette de passer par Cuba. Mais voilà, à part ça, je vais dire que c'était assez ouvert. Je veux dire, c'était assez ouvert mon voyage. Et donc, je suis arrivé en bateau stop. Donc effectivement, je savais que c'était possible, mais voilà, j'avais jamais fait, donc c'était une première. Et effectivement, ça a marché. En 3 mois, plus ou moins, je suis arrivé au Brésil. Et c'est déjà ça, c'est une expérience très très très très forte, le bateau stop. La difficulté pour trouver un bateau, le fait de vivre sur un bateau avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément bien et puis parfois qui se révèlent avec des surprises positives ou négatives, en passant par les îles Canaries et le Cap-Vert, donc aussi que je connaissais pas du tout, donc aussi, enfin, c'est autre chose que de prendre un avion et en 24 heures arriver à Cancun au Mexique ou ailleurs en Amérique du Sud où là c'était vraiment. D'ailleurs, c'est bien simple, quand j'étais au Cap-Vert, j'avais quand même choisi de passer au Cap-Vert parce que j'adorais la musique. Et d'ailleurs, justement, pourquoi j'aimais bien la musique du Cap-Vert, c'est au même concert de la Nuit africaine à Louvain-la-Neuve, où j'avais rencontré finalement une ONG, qui avait, voilà, ça avait été déterminant mon expérience là-bas en Afrique. Au même concert, j'avais écouté un groupe du Cap-Vert, qui s'appelle Rabassa, et qui habite aux Pays-Bas. Et vraiment, ça m'avait plu énormément le type de musique. Ça s'appelle comment ça s'appelle? La morna. Et c'est un peu comme du fado portugais, mais en plus joyeux, avec le ukulélé qui vient donner du rythme. Et j'ai vraiment adoré ce style de musique. Et donc, comme ça donnait en plus la possibilité de couper la transatlantique en deux en passant par le Cap-Vert depuis les Canaries. Ben là, j'avais vraiment fait le choix d'aller au Cap-Vert. Et au Cap-Vert, je cherchais un bateau pour l'Amérique du Sud. Je ne savais pas où j'allais arriver. Mais en fait, pour la plupart des bateaux depuis le Cap-Vert vont vers les Caraïbes. Et très très peu vont vers l'Amérique du Sud. Donc j'ai attendu quasiment un mois au Cap-Vert. Mais j'ai adoré le Cap-Vert. Et finalement, donc je suis arrivé. Et la destination même, quand on était parti, a encore changé. Et puis c'est devenu Natal. Et j'ai atterri donc à Natal, Rio Grande do Sul, donc do Norte. Donc le Rio Grande, c'est le grand fleuve du Nord. C'est un des États du Brésil. Enfin, la pointe, le plus proche de l'Europe en fait. Et voilà, là, c'est là qu'est vraiment a démarré mon voyage sur Terre. Et là, j'ai plus pris de bateau jusqu'à la Colombie. Pour aller de la Colombie jusqu'à Panama. Et j'ai rencontré, ben, comme prévu, le mouvement des paysans sans terre. Je suis allé les rencontrer en arrivant là-bas. Et je dois dire que ça a été assez dur comme première expérience. Parce que si j'adore le mouvement des paysans sans terre, ce que c'est. Explique en deux, trois mots, pour ceux qui ne sauraient pas. En deux, trois mots, hein. Donc le mouvement des paysans sans terre, c'est un mouvement donc qui, oh, à vrai dire, je devrais aller rechercher un peu mes notes. C'est vrai que maintenant ça commence à faire un petit moment. Je ne sais plus très bien, mais ça doit faire une vingtaine d'années qu'il existe. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 20 ans ou 25 ans, je ne sais pas. Et il a été créé parce que. En fait, il n'y a jamais eu de réforme agraire au Brésil. Et donc, c'était toujours des grands propriétaires et beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur des terres qui ne sont pas à eux. Et ce mouvement vise, dans un territoire qui est énorme comme le Brésil, ben, il dit, en fait, tout le monde devrait avoir la possibilité d'avoir une terre à lui, un accès à la terre, et pas de travailler pour des grands propriétaires. Et donc c'est ça en fait le but du mouvement, c'est donner un accès à la terre, mais pas seulement un accès à la terre, c'est pas seulement le fait de donner une terre à quelqu'un qui va faire que tout va fonctionner. Donc il y a aussi tout l'aspect soins de santé, l'aspect éducation, toute une série de dimensions sur lesquelles travaille aussi le mouvement des paysans sans terre, pas seulement la question de l'accès à la terre. Après l'accès à la terre, il y a aussi des choses. Et donc voilà, c'était une expérience très très riche, très difficile aussi, parce que c'était un mouvement très complexe, et la zone où je suis allé était une zone problématique. Donc le mouvement fonctionnait pas forcément super bien. Moi dans. C'était quoi la problématique? Quand je dis ça, enfin, c'est parce que j'ai envie d'entendre tout ton parcours, il y a le temps et tout, mais oui, c'était quoi la problématique quand je dis vite fait, bien fait Alors. Je dirais l'idéal, voilà, on a une idée, l'idée c'est on a l'accès à la terre. Hein, et qui n'a pas de terre, et on va donner un accès à la Terre. Mais justement, qui n'a pas de Terre? Et ça, c'est... Voilà, dans tout mouvement, je pense qu'il y a des personnes qui sont les personnes pour lesquelles on a pensé initialement et qui en ont besoin, etc. Et puis il y a toute une série de personnes qui sont un peu parasites. Et là, le problème, c'est que dans le mouvement, dans sa branche, dans cet état-là, à cet endroit-là, il y a pas mal de personnes parasites dans le mouvement. Dans le sens où ce n'est pas forcément des personnes qui n'ont pas de terre ou qui ont vraiment besoin d'un accès à la terre, mais qui rentrent dans le mouvement pour tout simplement pouvoir revendre la terre après, par exemple. Et donc, c'est très difficile parce que dans un mouvement qui est tout à fait légitime, et des personnes tout à fait légitimes qui réellement ont besoin, il y en a d'autres qui sont peut-être pas légitimes et qui forcément vont nuire au mouvement. Puisque les gens vont dire, ah ben, il y a ces gens-là, et je sais bien qu'eux, de toute façon, ils ont une terre, en fait, c'est pour la revendre. Donc ça discrédite, enfin, ça crée des problèmes en interne, puisque forcément, si on a des personnes qui partagent une même idéologie, ça aide à renforcer le groupe, etc. Si tu as des personnes qui sont là pour profiter, ben, ça vient casser le machin. Enfin, donc c'est complexe. Alors, c'est aussi des conditions de vie très dures, puisque c'est le long généralement d'une route nationale. BR, comme on dit, hein, donc Brésil, les routes nationales du Brésil, en devant une propriété à donc la terre qu'on envisage d'obtenir de l'État brésilien, donc ça doit passer par l'État brésilien. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un fazendeiro, donc un grand propriétaire terrien, et on se dit, ah, mais en fait, il n'utilise pas sa terre, et nous, on pourrait l'avoir pour la travailler. Donc ça passe par l'État brésilien, on fait une demande en tant que mouvement sans terre à l'État brésilien pour qu'il désapproprie cette terre. Mais le moyen de faire pression, c'est de camper devant la propriété. Et donc tu campes, la plupart des campements que j'ai vus étaient le long d'une route nationale. Et donc on se met vraiment devant la propriété avec des baraques de fortune du style des piquets en bois, on construit une petite structure, éventuellement un petit toit. Du plastique noir, hein, et voilà, très sommaire au début. Si au fur et à mesure où le temps passe et où on s'installe, etc., ben on commence à faire quelque chose d'un peu plus solide, éventuellement construction en terre, voilà, avec des tuiles aussi sur le toit, etc. Parfois, c'est généralement un processus qui dure des années. Mais tu es là donc dans la chaleur, t'as pas forcément toujours l'accès à l'eau potable, normalement tu as un accès au moins intermittent. Mais là, il y avait pas. Enfin, t'avais l'eau qui arrivait, je pense, une fois par semaine ou deux fois par semaine à l'endroit où j'étais. L'électricité, ben, t'as pas toujours d'électricité. Donc voilà, c'est quand même des conditions, tu vois, de vie assez rudes. Là, devant une route nationale, enfin, avec éventuellement l'insécurité. Bon, de ce que j'ai entendu ces derniers temps, il n'y a pas tellement de problèmes. D'attaque au mouvement, mais il y a déjà eu des problèmes de sécurité, donc il y a toute une vigilance aussi à maintenir dans le camp, etc. Et j'ai vécu là-bas plus ou moins 2 mois, 2 mois et demi dans le campement. Et ils t'ont vu comment ces gens en fait ils te regardaient comment? Toi le belge. T'as pas une tête de belge, hein, t'es pas blond. Tu pourrais faire penser peut-être à un. Ben voilà, comment t'étais vu? Ben, comme un militant. Comme un militant étranger, qui est un sympathisant du mouvement. Voilà, c'est comme ça que j'ai été vu. Et effectivement, donc il y a cette grande distinction qu'il y a dans le mouvement en fait des sans-terres entre la base, comme ils appellent ça, donc tous les gens, toutes les familles qui font partie, qui sont des sans-terres et qui font partie de campements et qui sont divisés en ce qu'ils appellent les noyaux de base. Donc un groupe de autant de familles, je ne sais plus peut-être combien c'était, mais peut-être 10 familles ou 15 familles. Et ça fait un noyau de base, un autre noyau de base. Et le noyau de base, en fait, s'organise, s'auto-organise. Enfin, s'auto-organise, est organisé suivant les règles du mouvement. Tu peux pas faire ce que tu veux quand même. À côté de ça, il y a les militants, qui sont des personnes qui, elles, sont assez mobiles, qui éventuellement bougent entre les campements, et qui font ben, le travail de militants. Donc c'est faire des réunions. C'est un peu eux, je dirais, les chefs, si tu veux, mais qui sont... comment je dirais? Qui font vraiment partie à 100% du mouvement en tant que... je sais pas comment dire autrement que des militants. Donc ils sont appelés à gauche, à droite, ils vont faire des manifs. Il coordonne un peu tout ça, non? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils coordonnent un peu tout ça. Ça peut être éventuellement des personnes qui font partie, hein, c'est des personnes des familles aussi, hein. L'idée, c'est que les personnes des familles soient des militants. Donc il y a toute une série de militants qui font partie des noyaux de base, mais il y a aussi des militants extérieurs. Il y a généralement un mélange entre les deux. Et ces militants, bah, comme on est dans un mouvement relativement socialiste, ces militants doivent pouvoir être hébergés et nourris par les campements. Donc ça, c'est une règle. C'est que s'il y a un militant qui est là, ben on le loge et on le nourrit. Ça fait partie des règles. Donc j'étais un peu vu comme un militant, donc j'étais logé et nourri, quoi, si tu veux. T'étais bien vu? T'avais ta place ou bien... Oui, j'étais pas mal vu. J'étais bien vu, j'avais des bonnes relations avec les gens. Maintenant, voilà, tu rentres dans un mouvement comme ça, dans une dynamique sociale, de vie en communauté, tu as des clans. En plus, je te dis, c'était dans une zone difficile. Donc, comme c'est une zone difficile, ben, tu as des gens intéressés qui commencent à créer des clans, des machins. Et notamment, la question du pouvoir, ben, le coordinateur où j'étais, je trouvais qu'il avait quand même une emprise très forte. Mais il était aussi, je pense, pas mal déstabilisé par d'autres qui cherchaient à... C'est une question aussi de pouvoir. Enfin, c'est très complexe. Et le temps que j'ai passé là-bas m'a permis d'approcher la complexité, mais certainement pas de comprendre tous les enjeux. Ben, c'était, voilà, l'expérience avec les Santerres là-bas. Donc, la pointe nord-est du Brésil. Et ton projet zapatiste, raconte un peu. Alors oui, alors je ne sais pas si le plus intéressant, c'est les deux points que j'avais à... Oui, les deux choses que j'avais à la base, ben, dans mon voyage, ont été... Enfin, je voulais les voir pour une certaine raison. Et en fait, il y a pas mal de similitudes. Parce que c'était des mouvements déjà connus, hein, qu'on connaît ici, dont on parle, hein, dans les mouvements sociaux en Europe. Et d'une certaine envergure. Et qui ont gagné quand même du respect, même au moins au niveau national, mais même au niveau international, hein. Mais au niveau national, ce sont des forces. Donc les zapatistes au Mexique, c'est quand même une force politique. Le mouvement des paysans sans terre au Brésil, c'est aussi une force politique. Donc je voulais en même temps. Et puis dans la structure de l'organisation, hein, comment. Le fait qu'il y ait des organisations en plus petits noyaux, hein, en petits groupes, comment est-ce que la vie s'organise? Moi, j'ai pas essayé d'aller voir les chefs, tu vois. Je m'intéresse pas en fait aux chefs, mais je m'intéresse vraiment au noyau de base. Donc, comment fonctionne le premier échelon, en fait, la base du mouvement? Moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Le collectif à la base. Et pas aller rencontrer le chef, genre le sous-commandant Marcos au Chiapas. C'était pas mon objectif. En dépit du fait que c'est difficile de rencontrer le sous-commandant Marcos, J'imagine. particulièrement les dernières années. Mais voilà. Et aussi la question de résistance, quoi, hein, la question de mouvements de résistance qui ont une certaine idée aussi de la révolution. Donc moi, j'allais aussi rencontrer des mouvements révolutionnaires. Et ces deux-là, ben, les mouvements des paysans sans terre et les zapatistes, ben, tu as des mouvements tout à fait là-dedans. Alors, entre le Brésil et le Chiapas, ben, il y a quasiment 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi de voyage, où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'autres projets, dynamiques. qui aussi ont tout à fait leur sens. Comme par exemple en Colombie, l'école en marchant, qui est vraiment pour moi des énormes révolutionnaires qui ont totalement repensé l'éducation différemment. Voilà, au sens d'Ivan Illich, par exemple, qui critique totalement l'éducation moderne, eux l'appliquent. Comment tu as dit le nom ? L'école en marchant, la Escuela Andante. Et ça, c'est un groupe de, enfin, vraiment d'irréductibles, de durs, quoi, qui disent, mais non, l'éducation, en plus, ils ont donc la racine, ce sont des indigènes d'un endroit qui s'appelle Tierra Adentro, donc la terre de l'intérieur, dans le Cauca, au sud de la Colombie. C'est une région assez, assez mouvementée, hein. Il y a des guérillas, il y a des paramilitaires, il y a l'armée, c'est un territoire indigène où il y a pas mal de lutte pour le territoire. Et donc l'initiative de l'école en marchant dit l'éducation, c'est faire avec nos coutumes indigènes, et notamment la spiritualité et la notion du temps, etc. Donc, ils travaillent avec la lune, le cycle lunaire. Et tout est fait dans un autre temps, en fait. Et tout est fait également dans un autre espace. Donc, ce n'est pas l'école. Hein, une école, c'est le lieu où on apprend. Ben non. On apprend dans le territoire. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'école en marchant. Ils se déplacent dans le territoire, ils sortent de l'école et ils vont voir les gens qui vivent, qui travaillent. Et les enfants travaillent avec ces personnes, apprennent par la pratique. Et puis les cours théoriques sont insérés là-dedans. Et alors la langue aussi, Nasayugwe, la langue propre du peuple Nasa qui vit là-bas, est aussi utilisée. Ils tissent beaucoup aussi les enfants. Il y a beaucoup qui se parlent de tissage. J'étais assez impressionné dans une réunion et en fait tout le monde tissait. Je me dis, il manque quelque chose, j'ai besoin de quelque chose pour tisser. Il dit non, parce que quand tu tisses, tu fais quelque chose aussi de manuel. Tu peux le faire tout en étant à une réunion, ça favorise même ta concentration. C'est pas tu fais quelque chose et donc tu n'écoutes pas. Non, tu écoutes, mais tu peux faire quelque chose en même temps. Donc tout ça, ça justifie aussi, tu vois, le fait, pourquoi pas, on peut faire des réunions qui durent des heures. On fait aussi autre chose en même temps, tout simplement, et c'est pas négatif. On a besoin de faire des réunions parfois longues pour travailler ensemble, quoi. Donc ça, j'ai été très impressionné, par exemple, par eux. J'ai été très impressionné aussi par les gardiens de semences en Équateur. Donc dans mon voyage, si tu veux, comme il y a un projet lié à faire une suite au jeu de la ficelle qui m'a beaucoup marqué. Je suis obligé, hein. C'est quoi le jeu de la ficelle, en gros ? Mais le jeu de la ficelle, c'est un jeu de rôle où chacun assume une identité. Et c'est un jeu sur la qui a été pensé, on peut le faire avec ce qu'on veut, mais qui a été pensé sur la thématique alimentaire. Et donc, comme c'est un jeu de rôle, par exemple, je suis la courgette, tu vas être Monsanto qui a inventé une courgette OGM. Puis on peut avoir l'eau potable, on peut avoir la terre agricole, on peut avoir un paysan. Et puis tout ça, ce sont des identités qui sont jouées par une personne. Et puis, voilà, on joue cette identité, mais le jeu, c'est vraiment se connecter les uns aux autres. Et comment on se relie les uns aux autres, donc montrer qu'il y a du lien, qu'il y a vraiment un lien entre les identités, c'est une ficelle. C'est ce que ça s'appelle le jeu de la ficelle. Donc voilà, sans rentrer dans plus de détails, on se rend compte avec cette animation que tout est lié. On fait partie d'un même système, tout est lié. C'est ça un peu l'approche systémique, c'est de montrer que tout est lié. Et que nous aussi on est lié à Monsanto, nous aussi on est lié à l'agriculteur, nous aussi on est lié à la terre, nous aussi on est lié à l'eau, on est lié à tout. Et en fait, en travaillant ces liens, c'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est prendre conscience des liens et les améliorer. Améliorer ces relations, travailler dessus. Donc c'est ça un peu l'idée du jeu de la ficelle, de prendre conscience des liens. entre les choses. Et c'est la thématique alimentaire. Et quand on voit un peu la façon qu'on a de fonctionner dans le système agroalimentaire moderne, ben c'est vrai que c'est pas génial, quoi. Donc on voit qu'en fait, il y a effectivement une grande complexité, il y a beaucoup d'intermédiaires, la personne qui cultive, entre la semence et l'assiette, il y a une complexité absolument abominable de trucs, de choses, de sociétés, de holdings. Et en fait, ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est ça qu'on voit et qu'on dénonce avec le jeu de la ficelle, ce système agroalimentaire complexe qui produit de la malbouffe en plus. Et donc, on favorise, on promeut un autre rapport à l'alimentation, et notamment à être plus proche finalement de la terre, à être plus proche en tant que consommateur de la production, si possible, être soi-même celui qui produit son alimentation. Mais voilà, en même temps, il y a cette conviction qu'il y a vraiment un effort collectif à faire. Il y a un changement qui doit être fait au niveau de collectif. Et l'idée, c'est que, donc en faisant une suite au jeu de la ficelle, c'est de montrer comment des collectifs sont en train d'agir et de changer finalement l'assiette, de changer les liens qui lient en fait à l'assiette. Et donc c'est pour ça que ce qu'on a appelé des alternatives, que j'ai rencontrées pendant mon voyage et même un peu avant un autre voyage que j'ai fait en Europe ou même tout simplement en Belgique, sont basées sur le cycle alimentaire. Donc quand je parle du réseau des gardiens de semences en Équateur, ça c'est plutôt le thème de la semence. J'ai aussi rencontré là-bas une gestion communautaire de l'eau potable, là c'était la thématique de l'eau. Les sans-terre au Brésil, c'était l'accès à la terre. Puis les apatistes au Mexique, ils font beaucoup de choses. Mais il y a aussi la question de l'accès à la terre qui est de propriété de la terre qui est primordiale. Tout ce qui est, par exemple, les mouvements de tout ce qui est agriculture, la permaculture, ou des groupes qui sont en permaculture, ou des marchés bio, par exemple, j'en ai vu pas mal pendant mon voyage, mais tout ça aussi, ça fait partie du cycle alimentaire. Et donc, ça faisait partie vraiment intégrante de ce projet sur lequel je suis. Et donc, mon voyage vient nourrir en fait tout ce projet, qui est un grand projet dans lequel enfin, très complexe, hein, de recherche de solutions, de pistes de sortie, dans lequel sont inclus par exemple Quinoa, l'ONG Quinoa, donc l'ONG, la SBL Rencontre des Continents, le magasin du monde Oxfam, et aussi la Maison de Développement Durable de Louvain-la-Neuve, aussi ITECO, une ONG d'éducation-développement, enfin voilà, ce sont des partenaires de ça, quoi. Ce sont des partenaires de ce projet que tu es allé un peu vérifier ou comment on Non. dirait? En fait, ce que moi je suis allé rencontrer dans mon voyage, les gens, les collectifs que je suis allé rencontrer, le choix, tu vois, de ces collectifs était guidé par ce travail, qui est un travail collectif, dans lequel qui est fait par l'ensemble de ces associations dont je parlais, et qui va aboutir à un outil pédagogique. Voilà, j'ai oublié la question exacte. Non, parce qu'on parlait du voyage, tout ça, et puis ça part sur, sur toutes les assos que tu nommes là. Donc j'essayais de voir le lien entre. Oui, mais en fait, c'est le projet que j'ai mis sur mon voyage, si tu veux. Donc il y a le fait de partir en voyage, de rencontrer toute série des trucs chouettes, des gens qui font des chouettes choses. Mais le projet que j'ai mis sur mon voyage, enfin, un projet en tout cas, parce qu'après il y en a d'autres qui se sont développés, mais un projet que j'ai mis sur mon voyage, qui était déjà avant que je parte, qui a été. On s'est réunis, enfin, en tout cas, pas toute l'équipe là, parce que ça s'est fait pendant mon voyage, j'étais pas là, mais en tout cas, les premières bases, les premières pierres, si tu veux, ont été mises sur ce projet avant que je parte. Et c'était vraiment cette recherche d'alternatives agroalimentaires, ben, en Amérique latine, mais d'autres ont fait la même chose ici, quoi. Tu vois? Donc on était connectés par ça. Et ce qu'on a appelé des alternatives, c'est des collectifs. Donc on a voulu vraiment aller voir des gens qui agissent collectivement, ensemble. Ok, tu les as vus, et quoi, et alors? Quoi? Qu'est-ce que... Mais justement, après, c'est très complexe. Donc j'ai appris beaucoup. J'avais des genres de cadres, des cadres d'analyse, si tu veux, qu'on avait établis à l'avance. Mais les cadres, parfois, ne permettent pas d'approcher totalement une réalité. Et donc, au bout d'un moment, j'ai laissé de côté les cadres pour me laisser porter par tout simplement ce que je rencontrais, les énergies que je rencontrais. Et mais c'est difficile à résumer comme ça maintenant, je sais pas, en 5 secondes. Mais je dirais que j'ai beaucoup, beaucoup appris sur comment. Enfin, quels sont des niveaux peut-être d'engagement collectif, jusqu'où on est prêt à aller dans son action. Parce que effectivement, participer à un marché bio une fois par semaine, c'est certainement pas le même engagement que faire une révolution armée comme les apatistes pour reprendre le possession de son territoire, quoi. Donc il y a des échelles très très différentes, mais en tout cas il y a des choses communes qui sont comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions ensemble et finalement à agir ensemble, et quels sont les résultats concrets ou les techniques qu'on a développées pour arriver à faire ça. Donc j'ai vu beaucoup de chouettes techniques, que ce soit en agriculture ou en gestion collective de groupe ou de territoire. Et bah, les apatistes notamment, c'est assez impressionnant, quoi, la façon dont ils fonctionnent. Pour essayer de faire un autre gouvernement qui, lui, serait démocratique. Et pas le gouvernement brésilien qui s'appelle le mauvais gouvernement, parce que c'est un gouvernement corrompu. Et donc qui n'est pas du tout reconnu. Et donc comme il existe, ce gouvernement-là ne vaut rien, on doit faire le nôtre. On doit tout faire nous-mêmes. Puisque si on ne reconnaît pas le gouvernement, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas non plus le système de santé, le système éducatif. Donc on doit tout faire nous-mêmes. Et donc je dirais qu'en termes d'autonomie, tu vois, de reprise de pouvoir, j'ai rencontré des groupes qui étaient à beaucoup d'échelles différentes. Avec une échelle super impressionnante qui est les territoires apatistes. Mais en même temps, est-ce que c'est parfait pour autant? Ben non. Et donc, moi, je recherchais aussi beaucoup l'horizontalité. Donc, je suis aussi un éducateur populaire, parce que moi, ce que j'appelle l'éducation populaire, qui est un mouvement d'Amérique latine, qui vient plutôt d'Amérique latine, et notamment du Brésilien Paulo Freire. Et donc, j'ai travaillé avec énormément de groupes, de collectifs, de mouvements. Mais toujours dans ce souci d'éducation populaire. Donc, je ne suis pas supérieur à toi, tu n'es pas supérieur à moi, on est au même niveau. Et on partage, et on construit ensemble une connaissance, et des luttes, et des... Enfin voilà, on travaille ensemble. Et pas ce rapport de domination. Sortir du rapport de domination, c'est le but de l'éducation populaire. Et donc ça, c'est un axe vraiment très fort dans mon voyage. Et par exemple, certainement que dans le mouvement zapatiste, on peut. C'est qu'il y a un mouvement qui a des militaires, enfin politico-militaires, comme ils appellent ça. À la base, en termes d'éducation populaire, il y a certainement encore du chemin à faire là-bas, quoi. Mais par contre, en termes d'autonomie et de radicalité dans l'autonomie, c'est quand même pas mal, hein. Et refuser l'électricité, bon, pas tous, mais quand même refuser de se connecter au réseau électrique en se disant c'est l'électricité du gouvernement. On ne la veut pas. Enfin, faut y aller, quoi. Faut produire toi-même, avoir un groupe électrogène ou avoir. Après, tu peux dire, ouais, mais d'où vient le pétrole, en fait? Donc, est-ce que tu es vraiment cohérent? Et donc, jusqu'où la radicalité est-elle cohérente? Après, tu. Mais. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal de dire on n'accepte pas l'électricité, on va. C'est clair. Mais ce que tu disais aussi, c'était que la collectivité, là où tu as voyagé, était vachement plus présente, évidemment, qu'elle n'est ici, où je me trompe. Oui, quand même. Genre qu'on aurait plus besoin les uns des autres là-bas qu'ici, quoi. Là encore, là-bas, il y a encore tout cet aspect collectif qui... Mais disons que là-bas, on compte avec... Si tu comptes sur les autres, ça marche. Ça marche. Donc moi, par exemple, mon expérience de voyager en stop... voyager en stop, c'est pas... ça marche en Belgique aussi. Hein. Ça marche quand même moins bien. Le dimanche, dans la campagne, ça marche pas vraiment moins bien. Ça marche sans doute mieux là-bas, le stop. Mais ça marche aussi ici. Par contre, au niveau de la propriété privée, donc tout ce qui est, je pense, le concept de « chez moi », ça, je crois qu'effectivement, il y a une grosse différence. Le fait d'accueillir quelqu'un chez soi, enfin, de faire... L'accueil de l'autre fait partie de... Tu vois ? Ici, tu es chez moi, tu fais sentir à la personne « t'es chez moi », quoi. Et d'ailleurs, tu gênes. Enfin, vraiment, tu te fais même sentir la gêne. Moi, je... Waouh ! Enfin, et c'est aussi lié à la relation au temps. Mais je suis avec quelqu'un et je vais essayer qu'on passe un bon moment ensemble et quand on se quitte, on est bien. Ici, on coupe. Écoute, il est l'heure. Ciao. Et en fait, on coupe totalement des choses qui ne devraient pas être coupées. Enfin, à mon sens. Enfin, comme moi, je voudrais... Moi, je trouve qu'il y a des choses qui ne doivent pas être coupées. Genre, il te reste 5 minutes. Hein. Mais voilà, il y a un rapport au temps et qui parfois ne respecte pas la personne. Et ça, en termes de respect de la personne, et alors cette histoire de l'espace, de faire que finalement, chez moi, c'est chez toi, enfin, c'est pas des mots, quoi. Chez moi, c'est chez toi, c'est vrai. Ici, il faut vraiment être avec des personnes un peu spéciales pour que vraiment tu sentes que chez moi, c'est chez toi, quoi. Parce que la norme, c'est pas ça. C'est pas normal, quelqu'un qui pense ça, quoi. Quelqu'un qui pense être chez soi alors qu'il n'est pas chez lui. Quelqu'un qui est chez soi, quelqu'un qui est chez lui alors qu'il n'est pas, oui, c'est ça. C'est pas la norme. Voilà. Donc, effectivement, au niveau collectif, oui, ce fait-là, en fait, fait que... Oui, il y a quand même beaucoup plus de collectifs, que ce soit au niveau famille ou même au niveau communautaire. Dans moi, ce que j'ai rencontré, donc j'ai rencontré quand même beaucoup de collectifs. Et peut-être un collectif qui est moins un peu sur la survie, sur la défensive. Depuis que je suis rentré, j'ai l'impression qu'il y a, même dans des assos et dans des machins, beaucoup sur ma propre survie, comme si les choses allaient... Donc il y a vraiment, je sens ici en Belgique, en Europe, un truc de l'ordre de la survie, de « je peux pas te... enfin, ne viens pas parce que je... » Voilà, ma propre survie comme si elle était menacée. Et donc il y a un genre de gros stress comme ça, qu'effectivement j'ai pas du tout senti là-bas. Vraiment ? C'est pas du blabla ? Mais non, enfin c'est mon ressenti. Alors maintenant, on peut dire peut-être que je suis un fou, tout, hein, mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti, mon analyse, mon... Ça a été un choc. Je vais te raconter une anecdote, comme ça, pour que tu vois un peu clair. J'étais à l'aéroport, à Cancun, au Mexique. Et puis, donc je viens de passer 3 ans et demi en Amérique latine. C'est vrai, dans un moment où on partage beaucoup, on prend le temps de parler avec l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de partage. Du temps avec les autres. Et puis, je suis en train de faire la file. J'ai un truc qui est bizarre ici. La file à l'aéroport, hein, l'avion Jet Airfly là, qui partait vers Bruxelles, vers Zaventem. Et donc la file là-bas au Mexique pour aller vers la Belgique. J'ai un truc bizarre. Je ne savais pas quoi. Puis je me dis, les gens ont l'air vraiment hyper, hyper sérieux, quoi. Et puis j'ai compris dans l'avion, enfin ça c'est un peu, si tu veux, précisé dans l'avion, parce qu'en fait dans la file il y avait quasiment que des Belges. C'était beaucoup des Belges qui étaient là en vacances et qui revenaient. Et dans l'avion, en fait, j'ai compris, personne ne se parlait. Les gens ne se parlaient pas dans l'avion. Ils étaient avec leur GSM, ils étaient avec le petit machin que tu as dans l'avion pour regarder des films, là, tu vois. Et, Et les gens ne se parlaient pas. J'étais même, je te jure, mon billet, j'étais sur un truc de 3 personnes. Et il y avait les 2 personnes qui étaient là. Moi, je suis arrivé. Ils m'ont dit, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller derrière? Comme ça, on aura plus de place. Donc, on était 3. Et les gens m'ont demandé d'aller derrière. Donc, je m'en foutais. Je dis, bon, si vous voulez, je m'en fous. Enfin, moi, je suis allé derrière. Et puis là, il y en avait un type qui avait l'air sympa, un peu rasta, qui était, mais qui s'est mis à dormir. Eh bien, je te jure, les 4 premières heures dans l'avion, de tout mon voyage de 3 ans et demi, c'est les 4 premières heures où j'ai l'impression de m'ennuyer. Je te jure. Même quand j'étais seul, que je faisais du stop, que jamais, à aucun moment, j'ai eu l'impression de m'ennuyer. Et là, les 4 premières heures dans cet avion, je me suis ennuyé. Et puis après, mon voisin s'est réveillé. On a commencé à parler jusqu'à la fin du voyage. C'était bon, quoi. Mais juste pour te donner un tout petit truc, que vraiment un truc vraiment énorme, c'est effectivement, on est coupé de l'autre. On a une distance énorme par rapport à l'autre. Et c'est même peut-être vécu, des gens qui vont en Amérique latine, comme peut-être les gens sont envahissants. Mais je t'assure que quand tu viens de là-bas et que tu arrives ici, ça te déprime, quoi. Ben voilà, je suis obligée de couper comme ça, je suis désolée, hein. Ça va aller. Non, coupe pas comme ça, coupe pas comme ça. Moi, je pense que ce qu'il y a qui est très important, c'est que ici comme là-bas, il y a des gens qui bougent. Maintenant, je crois que moi, ce que j'ai vu là-bas en termes de collectif et en termes de vivre ensemble et de passer du temps ensemble et de s'amuser ensemble, enfin, de ne pas être seul en fait. Ça, je pense que ça doit nous questionner beaucoup ici. Et dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental à être seul? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les gens qui sont seuls sont bien? Moi, je n'ai pas l'impression de ce que je vois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de niveaux de suicide, etc. là-bas. Donc, en termes de comment est-ce que... Parce que finalement, comment est-ce qu'on fait la révolution ici? Eh bien, moi, je crois que c'est beaucoup plus en travaillant ce fait d'être ensemble et de ne pas faire en sorte que finalement, on soit de plus en plus isolés les uns des autres, mais en construisant des relations vraiment bonnes entre nous. Et je crois que c'est beaucoup plus là que de faire de l'agriculture écologique ou des choses comme ça, qui sont évidemment super importants et essentiels. Mais dans le faire ensemble, pour moi, il y a là une clé fondamentale. Et donc ça, je croyais déjà avant de partir et en revenant encore plus. C'est mieux pour terminer, non? C'est mieux, c'est mieux. Merci à toi, Sébastien.